Génération, ségrégation, la République en marche arrière. Féministe comme Gengis Khan, mon côté Omar Sharif. Je reviens dans le truc, stopper les hommages à Tif. Aspiré par le bitume, je m'éloigne de la villa aux Maldives. On m'a dit, la chance sourit aux audacieux. Trace ta route, éloigne-toi des gros cassos. On s'est fait seul, parti de rien comme Al Capone. Et quand y'a nuage de grisage, je me roule un spliff au potassium. Si tu savais tout ce que la violence occasionne, parce que l'État nous met des tacs, bilaï qu'on se croirait au calcio. J'suis parti, mais revenu comme un boomerang. Un pied au bled, d'autant le 9-1 à l'imboomson. Enfant prodige, et j'suis même pas à 20%. Ben Arfa avant de percer, la précision avant de Percy. Authentique depuis Paris sous les bombes. Il pleut des cordes, Mélane Gizzo, t'as bien fait de parier sur les bons. Tu vis par des nuages, peu d'angoisse, une mort naturelle. T'as vu le décor, il pleut des cordes, j'ignore encore la durée. Bienvenue dans la brume, dans ma bulle, Emma. Nuages ciel pluvieux, voilà mon actu. Tu vis par des nuages, peu d'angoisse, une mort naturelle. T'as vu le décor, il pleut des cordes, j'ignore encore la durée. Bienvenue dans la brume, dans ma bulle, Emma. Suis-moi, rentre dans la ronde. Devant c'est beau, derrière c'est morbide. J'esquive les frappes de bombe. C'est trop, le rhum me pousse en orbite. J'ai vu s'entasser les tombes, c'est faux, j'ai pas passé les ponts. J'ai rappé pour chasser les trombes, mais il pleut même dans le cockpit. Bienvenue dans la brume, dans le monde où les médias formatent 10 tours. On se permet l'espérance perdure dans cette tornade qui tourne. J'pose les couverts à terre, vécu en pas chasser la couvade. J'ai appris à me taire, pas à Jacques, t'es à tout va. J'suis qu'un vagabond de la terre et dans la tente ça coûte. J'transforme les nuages en lumière, mais à la longue ça coûte. Après un bat, pas un plaindre, rien à foutre de cartonner plus que. On a le mérite de charbonner plus d'eux. J'ai toujours vite à faire la vraie vie, donc j'esquive la fête. Mais j'vide le verre, j'évite l'averse au lieu de vivre avec. Groupé en HP, gros, la if c'est pas HPO. Sincère quand j'potasse les mots, Mélane gros d'HDO. Tu vis par des nuages, peu d'angoisse, une mort naturelle. T'as vu le décor, le décor, j'ignore encore la durée. Bienvenue dans la brume, dans ma bulle, Emma. Nuages ciel pluvieux, voilà mon actu. Suivi par des nuages, peu d'angoisse, une mort naturelle. T'as vu le décor, il pleut des corps, j'ignore encore la durée. Bienvenue dans la brume, dans ma bulle, Emma. La République en marche arrière, parce que l'État nous met des terres. Bienvenue dans la brume. J'ai appris à me taire, pas à Jacques, t'es à tout va. Mélane gros d'HDO.